Le procès Pétain. Extrait choisi par Dominique Missica. 14e émission. Lundi 13 août 1945, 19e audience. C'est le moment des plaidoiries. L'audience n'est pas encore ouverte, mais le maréchal est déjà installé dans son fauteuil. Il ne veut plus se faire photographier. Il met ses gants devant son visage. Il est 13h30. Messieurs, l'audience est ouverte. Monsieur le bâtonnier, dans quel ordre pensez-vous plaider ? C'est moi qui commence. Alors, monsieur le bâtonnier, vous avez la parole. Monsieur le procureur général nous parlait samedi de son émotion. Je me lève, moi, dans une profonde tristesse. Pour la première fois, sans doute, on traîne devant les tribunaux pour qu'ils le condamnent à mort un vieillard sur qui la mort plane déjà, un vieillard de 90 ans. Et c'est la France, la douce France, qui donne ce spectacle au monde, et ce vieillard est le plus glorieux de ses fils. Son appareil est braqué sur moi depuis un quart d'heure et je ne puis l'empêcher. On ne m'inflige pas ce supplice. Messieurs les photographes, voulez-vous vous retirer, s'il vous plaît ? Monsieur le bâtonnier, reprenez. Ah, messieurs, permettez au seuil de ces humiliants débats que j'évoque en quelques mots cette gloire qu'il avait conquise. Cette gloire dont on veut aujourd'hui le découronner, cette admiration, cette reconnaissance dont la France l'entoura et qu'on proclamait tour à tour Painlevé, Poincaré, Pershing et après eux tous les historiens. Aucune intrigue, aucune ambition politique pendant sa longue carrière, voilà ce que vous retiendrez. Et aucune cupidité, sous aucune forme, jamais. Voici l'homme désintéressé, modeste, vénérable par son âge, glorieux par ses victoires, qu'on traîne devant vous, qu'on a amené ici dans une voiture cellulaire. Oui, messieurs, je le répète du fond du cœur, je vous assure, presque les larmes dans les yeux, quelle tristesse, vraiment quelle tristesse, quand je pense aux échos de ce procès qui, dans le monde entier, vont retentir. Quelle tristesse, quelle honte. Balayons toute cette boue, n'est-ce pas? Mais d'abord, pas de malentendu. Le maréchal n'est pas revenu en France pour essayer de sauver sa tête. Sa tête, si vous la voulez, prenez-la, on vous la donne. Il n'y aura pas de recours en grâce et il n'y aura aucune démarche faite pour provoquer cette grâce. La condamnation à mort, si vous la prononcez, elle sera exécutée. Maître Payen proteste ensuite contre les conditions de l'instruction défavorables à l'accusé. Il révèle que de toute la France afflue des milliers de messages de Français restés fidèles au maréchal. Il est faux d'affirmer que Pétain a eu des ambitions politiques dès 1936. L'accusation principale, aboutissement d'un complot, entente avec l'ennemi et trahison, ne tient pas. Pourquoi avoir fait témoigner des hommes politiques comme Reynaud ou Daladier ? Ce sont exactement ceux qui ont préparé, ceux qui ont déclaré, ceux qui ont dirigé, ceux qui ont perdu la guerre et que le monde entier considère donc comme responsables de la défaite. En 1939, Daladier, qui l'accable aujourd'hui de critiques injurieuses, lui offre un portefeuille que le maréchal refuse. Monsieur le procureur général voit dans ce refus une preuve des arrière-pensées politiques du maréchal. Pour ma part, je n'y vois rien. Ces hommes ont crié pour être absous. Maître Payen s'étonne des distinguos que l'on fait entre armistice et capitulation. On a dit que la capitulation était préférable. Or, un armistice suppose un contrat. Alors que la capitulation met le pays à la merci complète de l'ennemi. Ni les États-Unis, ni la Russie n'étaient en guerre. L'aide de l'Angleterre, infime. La condition était que la flotte fût mise hors d'atteinte des Allemands. Mais il était impossible de mettre notre flotte dans les ports anglais. La France n'a pas violé ses engagements. Sans aucun doute, le maréchal aurait pu, comme tant d'autres, chercher l'exil plutôt que de rester en contact avec les Allemands. Non. Il est là, il reste là. Et c'est pour cela, je le répète, que le maréchal a éveillé un écho profond dans le cœur de tant de Français. Le bâtonnier païen poursuit sa plaidoirie pour arriver au moment de l'invasion de la zone libre et donner la raison qui a empêché le maréchal de quitter la France. C'est tout simplement qu'il répugnait profondément de fuir et d'abandonner toute cette masse de pauvres gens qui allaient rester sous la botte allemande. Sentiment élémentaire, sentiment que vous critiquerez peut-être, sentiment auquel on peut opposer tel ou tel argument ou tel autre sentiment, mais enfin, sentiment tout de même, qui s'explique. Le maréchal a été hypnotisé par cette idée qui est devenue pour lui une idée fixe. Ne pas quitter le sol de la patrie, rester en France pour protéger les Français dans toute la mesure du possible. Et vous verrez que sa présence n'a pas été inutile. Eh bien, la grande masse du pays, reconnaissons-le loyalement, en a été touchée et reconnaissante. Car enfin, ce vieil homme qui pouvait se retirer, qui pouvait s'en aller se reposer et mourir en paix, qui reste, qui se dévoue et qui groupe autour de lui toutes sortes d'activités et dont on entend parfois la voix chevrotante, mais si douce encore, et quelquefois si ferme. Ça a été pendant 4 ans, disons-le, quelles que soient nos opinions, ça a été pour la majorité des Français une image émouvante. Pour la défense du maréchal Pétain, le bâtonnier met en avant le fait que sans l'armistice, le sort de la France eût été encore plus dur qu'il ne l'a été. Quelqu'un l'autre jour, ici, peut-être un des membres du jury, quelqu'un a dit « Mais on n'aurait pas été plus malheureux si on avait capitulé ». Et s'il n'y avait pas eu d'armistice ? Ah, monsieur, permettez à un homme du Nord, à un homme qui a connu l'occupation allemande pendant la guerre de 14-18 dans les provinces du Nord, de vous dire que c'est de votre part une erreur complète. Quand il n'y a pas d'armistice, toute l'administration française passe sous les ordres d'un Gauleiter ou d'un Français type D.A. Cela revient tout de même. Et que fussent devenues nos grandes administrations ? Que fut devenue notre grande industrie ? Que fussent devenues nos banques ? Demandez-le aux Belges, si vous en connaissez. Faites ce que j'ai fait, interrogez-les. Demandez-le aux Hollandais, demandez-le aux Polonais. Vous verrez qu'à plusieurs reprises, la menace formelle et précise de poloniser la France a été formulée auprès du maréchal par Hitler ou ses séides. Eh bien, je vous assure que c'est une situation beaucoup plus dure que celle que nous avons subie, même dans la zone occupée. Nous vous dirons les chiffres des otages, nous vous dirons les chiffres des travailleurs forcés et des déportés qui ont été pris dans les autres pays qui n'étaient pas sous le régime de l'armistice. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous avez certainement dans l'esprit une opinion déjà faite. Mais moi, je vous assure, parlant de ce que j'ai vu et de ce que j'ai entendu, que l'armistice a été accueilli partout avec un immense soulagement, qui n'est peut-être pas à base d'héroïsme, mais enfin qui est base de satisfaction. Que ce soit fini, qu'on puisse dire « Ouf, on en a marre !» Voilà, brutalement et grossièrement, ce que résume l'état d'esprit, disons, de la majorité des Français à ce moment-là. L'armistice a été bien accueilli parce que, précisément, il mettait fin à la bataille. Le bâtonnier ayant terminé sa première plaidoirie, c'est au tour de Maître Jean Lemaire. Il a 40 ans et de l'aplomb. Il est peu intervenu au cours des débats, mais chaque fois efficacement. Avec lui, le ton change. Messieurs de la haute cour, au cours de ces audiences déjà longues, l'accusation de monsieur le procureur général s'est transformée. Lorsque nous nous sommes présentés devant vous, nous étions poursuivis pour attentat contre la sûreté intérieure de l'État. C'était le complot. Et peut-être parce que nous avions exercé notre action au cours de l'instruction, peut-être parce que monsieur le procureur général n'avait pas obtenu toutes les satisfactions qu'il était en droit d'attendre des témoins qu'il avait fait citer, un beau jour, nous avons appris que le complot était abandonné et que l'attentat contre la sûreté de l'État ne serait plus soutenu par monsieur le procureur général. Je vous demande pardon. Mais l'accusation de complot était reprise sous une autre forme. Elle était devenue l'attentat contre la République, l'attentat contre le régime, l'attentat contre la nation. Nous avons suivi avec la plus grande attention le réquisitoire de monsieur le procureur général. Et s'il m'était permis de faire aujourd'hui connaître mon sentiment, je vous dirais, messieurs les juges, qu'au banc de la défense, nous avons eu le sentiment que le réquisitoire de monsieur le procureur général était fait plutôt à coups de ciseaux qu'avec une argumentation vraiment de nature à retenir votre attention et déterminer votre conviction. Voyez-vous, messieurs, dans un procès si grave, qui doit développer nécessairement dans nos cœurs d'abord, dans le pays ensuite, d'immenses passions, il faut que nous sachions nous-mêmes nous faire avant que de nous en remettre à vous, les juges du dossier. Et je ne veux dès lors pas faire de questions de personne. Nous avons, au cours de ces débats, échangé des coups avec monsieur le procureur général. Nous n'en échangerons peut-être plus. Qu'il me soit simplement permis de dire, monsieur le procureur général, que vous êtes un serviteur passionné de la loi et du gouvernement. De la loi ! Je veux simplement rappeler à messieurs les juges qu'avant l'armistice, du temps du cabinet de Paul Reynaud, vous étiez, monsieur le procureur général, chargé de mission au cabinet d'un homme dont on a jeté imprudemment le nom l'autre jour dans ce prétoire, monsieur Ibarnégaray. Vous me prenez à partie. Maître le maire, je regrette de vous interrompre, mais je n'admets pas ces procédés. Oui, à la demande de Georges Mandel, que j'avais eu l'honneur de connaître en 1918, j'ai été nommé directeur général de la justice militaire. Pendant quelques jours, près du ministre d'État qui administrait la justice militaire, j'avais préparé, entre autres, deux décrets qui précisément avaient pour but de réprimer les menées défaitistes. Ma mission s'est terminée au lendemain du tragique conseil des ministres de Cangé. Et je suis rentré chez moi. Vous me mettez en cause. J'ai le droit de répondre. Et je répondrai. Je vous rappelle, monsieur le procureur général, que monsieur le président m'a donné la parole. Vous n'avez pas la parole pour des altercations avec monsieur le procureur général. Je veux cependant conclure. Je crois que moi aussi, je peux avoir la parole. Je dis aussi qu'ici, tout le monde rend hommage au sentiment que monsieur le procureur général a de son devoir. Il n'est pas au service du gouvernement, il est au service de l'intérêt sacré de la patrie. J'en suis d'accord, et moi aussi, j'adresse bien volontiers un hommage à monsieur le procureur général, mais dans un procès de cet ordre, j'ai la possibilité de dire tout ce que je considère comme utile à la défense, et je le ferai. Je suis convaincu que si les événements que nous connaissons n'avaient pas interrompu la carrière du cabinet de Paul Reynaud, vous auriez, avec le même talent, la même foi et la même conscience, requis contre les communistes qui auraient pu vous être déférés. J'aurais requis contre les adversaires et les ennemis de la patrie. Arrêtons-nous là et permettez-moi dès lors de vous dire, après avoir rappelé ce simple fait d'histoire, que je ne veux apporter ici autre chose que des paroles d'apaisement. Je prends acte de cet engagement. On en reste là. Maître Lemaire revient à sa plaidoirie. Il commence par démontrer le républicanisme du maréchal. Il lit des dédicaces du général de Gaulle au maréchal Pétain dans ses livres de guerre. Puis il réfute ensuite les déclarations du procureur concernant l'entourage de Pétain qui aurait été peuplé de cagoulards. Quant à la question de l'âge du maréchal, il tient à l'aborder. C'est un sujet extrêmement désagréable. Je crains une interruption, mais je dis tout de même ce que je pense. Il est certain que l'âge n'a pas diminué dans le maréchal. D'abord, la santé physique que nous admirons tous et que nous envions. Mais l'âge n'a pas diminué non plus en lui cette réserve naturelle, ce manque d'aptitude aux conversations confidentielles et, comment dire, pour ne froisser personne, cette facilité à se sentir fatigué. C'est fâcheux, assurément. Mais, messieurs, à qui la faute? Quand Paul Reynaud a désigné le maréchal comme son successeur, quand Albert Lebrun l'a accepté comme tel, ils savaient bien tous les deux que le maréchal avait à cette époque 84 ans. Quand le maréchal a été porté au pouvoir par 569 députés et sénateurs, ces 569 députés savaient bien qu'il confiait la dictature, la toute-puissance à un homme de 84 ans. S'il ne s'apercevait pas toujours qu'on lui cachait la vérité et qu'on le trompait, à qui la faute? Si, dans l'espoir de sauver son pays, il a trop présumé de ses forces, parce qu'au fond c'est cela. Si, dans l'espoir de servir son pays, espoir dont vous ne doutez pas, il a trop présumé de ses forces, est-ce un crime? C'est cela, au fond, que vous jugerez. Mais je n'insisterai pas, parce que le maréchal n'aime pas cela, parce que l'âge n'a pas toujours été une faiblesse pour lui. L'âge a été une grande force pour la politique de résistance passive qui s'imposait et qui l'a menée pendant 4 ans. Il est temps pour l'avocat de la défense de démontrer que Pétain n'a jamais lutté contre la République. D'après lui, le 10 juillet 1940, l'Assemblée nationale n'a pas délibéré sous la contrainte des baïonnettes. Il y a 80 parlementaires qui ont voté contre. Mais ont-ils protesté? Ils ne l'ont pas fait, c'était le mécanisme parlementaire qui jouait à plein. En votant contre, ils ont conféré une légalité totale. Le maréchal a reçu en quelque sorte la gérance de l'État français jusqu'à la venue d'une nouvelle république. Cette mission provisoire devait malheureusement se prolonger. Le maréchal s'est trouvé dans l'impossibilité de convoquer les chambres sous la botte de l'ennemi. Rien dans sa prise du pouvoir n'était illégal. Les hommes politiques qui étaient responsables des destinées du pays sont venus vous apporter des témoignages qui ne peuvent pas laisser de doute dans la pensée d'un honnête homme. C'est le génie d'Anatole France qui nous révèle la raison de ce procès. Trahison, C'est le vrai cri de l'émeute qui donne des ailes aux foules, qui fait marcher du même pas les braves et les lâches, qui communique un même cœur à 100 000 hommes. Eh bien, n'écoutez pas ce cri de panique. Il faut, messieurs, que vous ne rendiez pas votre sentence sous l'empire de cette inquiétude qui trouble le pays. Non. Il n'y a pas eu de crime contre la République et contre la nation, et je vous demande de laver l'honneur du maréchal de cette accusation. Ces mots font se dresser le maréchal. Je ne peux qu'approuver ce qu'a dit mon défenseur. C'était le procès Pétain. Extrait choisi par Dominique Missica. 14e émission. Le président Montgibaud, Gabriel Ledoz. Le procureur général Mornay, Jean Bollery. Pétain, Roger Dumas. Le bâtonnier païen, Philippe Le Dunbach. Maître le maire, Jean-Yves Berthelot. Narration, Hélène Losseur. Bruitage, Sophie Bissens. Assistance technique et montage, Clotilde Thomas. Prise de son et mixage, Olivier Dupré. Assistant à la réalisation, Benjamin Hu. Réalisation, Étienne Vallès.